Salut les amis du matin, bonjour tout le monde, bon courage pour le réveil comme d'hab. Courage aussi si vous taffez en ce moment, un petit peu plus de 4 heures, c'est Cédric. On va écouter 3 cafés gourmands, Dinoro et Big Flo et Oli. Voilà pour bien attaquer cette nouvelle semaine. On sait aussi le meilleur de Mickaël pour vous, 23h tous les soirs en direct sur NRJ. Et Lola était avec nous la semaine dernière, écoutez. Lola est avec nous, allô Lola. Allô. Comment ça va Lola? Très bien. T'appelles de Montbéliard Lola, hein, c'est ça? Oui. Bon, tu veux devenir une douce? Oui. Bon, c'est alors Lola, il faut avoir moins de 14 ans et ne pas encore avoir mué. Bon, mué, oui. Bon, t'es une fille, tu n'arriveras pas. Mais bon, on va dire ta voix transformée en jeune femme. Donc c'est pas pour tout de suite en tout cas. Mais Lola, sans nous donner ton âge, en quelle année es-tu née? En 2009. En 2009. Hier quoi. C'est un truc de ouf. En 2009, on était là à cette heure-là. On faisait notre dernière émission, notre dernière année dans Sans Interdit sur Énergie. C'est un truc de ouf. Aminé, telle émission. C'est ça. Ah putain. Bon, Lola, tu as donc 9 ans. Et ton papa tolère que tu écoutes des idiots comme ça à la radio? Oui. Eh ben, bravo le père. Bah, dis donc, quelle belle éducation. Hein? Comment il s'appelle ton père? Pascal. Pascal. Eh ben, Pascal. Bravo. C'est la fille de Pascal de Montbéliard. C'est possible, Lola, écoute. Pascal de Montbéliard. Ah, Pascal de Montbéliard, d'accord, ouais. Ok. Oui, donc du coup, maintenant, tu vas prendre le relais, quoi. Tu vas devenir Lola de Montbéliard. C'est ça. Très bien. Deviens Lola. Lola, tu veux devenir une douce officielle. Pour devenir une douce officielle, il y a quelques épreuves à passer avec Polo, l'autoproclamé général en chef des douces. Non, je me suis pas autoproclamé, c'est comme ça. Je te le passe. Il est jaloux. D'accord. Alors, il veut réduire Amina au silence dans les victoires. Pas du tout, pas du là, tout, pas du tout. Il refuse mon statut. C'est faux, c'est faux. Quel honte. Allô, comment t'appelles-tu? Lola. Lola, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir douce officielle. Oui. Personne ne t'a forcé? Non. Surtout pas monsieur de Montbéliard, là? Non. Bon, Lola, j'ai décidé, moi, Polo, grand maître de la confrérie des Doux et général en chef de l'armée des Doux, d'accéder à ta demande, Lola. Lola? Oui. T'es là? Oui. Mets-toi à genoux. Oui. Tape-toi sur la tête avec ton téléphone, mais délicatement, afin de ne pas percer ce crâne encore fragile. Je crois qu'il doit grincer sur le crâne, il y a un peu un truc mou, là, non. En général. Ça, c'est comme les sur les bébés. Ouais, c'est ça. Lola! Oui. Insulte-toi, mais dans le respect de ta personne. Des insultes légères. Toff est une insulte, hein. Comment? Toff étant une insulte, si tu as des difficultés à trouver des insultes. C'est une conne. Non. Exemple, je suis méchante. Oulala. Bon, Lola, c'est bon, allez, je te passe ça, faut pas non plus déconner. Lola, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es douce officielle. Bravo, félicitations. Merde. Bienvenue dans l'armée des doux, Lola, et tu seras la douce Wonder Woman. La douce Wonder Woman. Ça te va? Très bien. Oui. Encore un truc qui va pas être facile à écrire. Ah, c'est Christophe. Bon, c'est le script, très bien. Toff, que ce soit écrit dans le grimoire. Oui. Dis donc, si ça t'emmerde, tu le dis, non, mais attends. Je rêve, on dirait un vieux script, tu sais, dans une vieille cave, là. C'est quoi ça? C'est incroyable. Oui, bon, Amina aussi, Wonder Woman standard. En un ou deux mots? Oui. Wonder Woman. Ah, bah, en deux mots, évidemment. Bon, Dieu, attache-le. Lola, je te rappelle qu'en tant que douce officielle, tu vas évidemment repartir avec des cadeaux. Amina va prendre tes coordonnées. Que tu, si tu veux passer dans l'émission, tu nous appelles, tu passes en priorité. Évidemment, en donnant ton code doux. Hein. Ton code? Oui. Bah, ton nom de doux, évidemment. Et nous, dans le standard, nous verrons directement s'il correspond avec ton numéro de téléphone. Ah bah si oui. Pas, tu es évidemment exclu directement du standard. Banni. Je dis ça pour ceux qui essayeraient de frauder en appelant demain, en disant « Oui, bonjour, je suis la douce Wonder Woman ». Si ça ne correspond pas au numéro, évidemment, ça ne marche pas. Si jamais, pardon, tu changes ton numéro de téléphone à un de ces quatre, il faut que tu nous appelles avant afin de faire modifier celui-ci, officiellement, par lettre recommandée. C'est la préfecture ici, hein. Ah, faut changer l'état civil et tout, quoi. Ça rigole, c'est clair. Donc attention, dès que tu auras atteint ton âge, ton grand âge de 14 ans, tu seras automatiquement banni. C'est ça. Automatiquement. Ouais, mais attention, le doux reste doux à vie. Hein. Le doux reste doux à vie, mais il n'a plus les avantages. Ah non, bien sûr. Voilà. Bon, Lola, les mecs sont partis dans des délires complètement stupides. C'est n'importe quoi. Hein. Oui. Complètement fou. Je te fais des gros bisous en tout cas. Je peux faire une dédicace avant? Vas-y. Dédicace à tous les chauffeurs tarot du Mans. Très bien. Les messages sont passés. Salut Lola. Au revoir. Salut Lola, à bientôt. Mickaël. Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète, on s'occupe de toi. Il y a le podcast sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Comment ça va tout le monde? J'espère que ça roule pour vous ce matin, que vous avez tous passé un bon week-end. On est lundi, c'est Cédric. On va écouter Dinro dans la playlist Energy, Big Flo et Oli juste derrière. Il y aura aussi nouveau George Ezra tout à l'heure, ça c'est cool. Et avant de le retrouver à 20h ce soir en direct, oui, pour une nouvelle semaine tous ensemble, voici le meilleur du Rico Show sur Energy. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Energy. Morgane, tu nous as dit avant la pub que ta copine Laura avait donné aujourd'hui du lait périmé au travail. Eh oui. Toi qui travailles dans l'association des paralysés de France, je vais l'appeler en me faisant passer pour le directeur monsieur Teboul et je vais vraiment m'énerver à son égard. Oh là là. Ah oui, je ne suis pas content et je vais lui dire que c'est une collègue de travail qui en plus m'a rapporté ça. Oh qui peut être la collègue de travail, Morgane? Sabine. Sabine, te dénonce surtout pas. Elle a bon dos. Ce serait con. Hein. Non, vraiment, n'hésite pas, Morgane. Écoute, c'est parti, je l'appelle monsieur Teboul. On va lui reprocher ça tout de suite. Allô? Oui, bonjour, secrétariat de monsieur Teboul. Oui, je vais vous le passer un instant. Merci. Oui, monsieur Teboul à l'appareil. Oui. Excusez-moi, monsieur Teboul. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Bon, je suis surpris, hein. Vous êtes une travailleuse modèle chez nous, hein. Oui. Bon, on n'a jamais eu à se plaindre de vous, mais on m'a recensé quelque chose d'important, là. Ah. Est-ce que vous avez une petite idée? Non, pas du tout. Madame? Je comprends pas. Bon, je vais le faire moi-même. Le lait périmé, c'est ça? Ah. voyez. Oui, j'ai fait l'échange ce matin. A priori, c'est pas la première fois que vous donnez du lait périmé. J'ai reçu un mail d'une de vos collaboratrices. C'est vrai qu'on n'a pas fait attention à la date de péremption. Et ce matin, dès que je l'ai su, je suis retournée au magasin. Vous connaissez Sabine ? Oui. Clairement, elle vous inculpe. A priori, vous achetez du lait périmé pour nos résidents. Non, j'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès, monsieur le directeur. J'ai pas fait exprès, monsieur le directeur. D'acheter du lait périmé, monsieur le directeur. J'ai pas fait exprès d'acheter du lait périmé, monsieur le directeur. Je tiens à m'excuser, monsieur le directeur. Je tiens à m'excuser, monsieur le directeur. Ça ne se reproduira plus, monsieur le directeur. Ça ne se reproduira plus, monsieur le directeur. Bon, je vous pardonne. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Je ne recommencerai plus, monsieur le directeur. Je ne recommencerai plus, monsieur le directeur. Je voulais vous parler d'un autre souci. Oui. J'ai une maman d'une des personnes de l'APF qui est venue me voir parce qu'a priori, vous sortiriez de temps à autre, vous auriez des relations avec son fils. Mais ça va pas. Alors, couchez-vous, oui ou non, avec des résidents. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ponctué par monsieur le directeur quand vous arrêtez votre phrase. Que s'est-il passé? Rien, monsieur le directeur. Moi, j'ai vraiment un souci par rapport à tout ça. Mais c'est une blague ou... Laura, t'es fait piéger par Morgane en direct sur NRJ. Oh la connasse. Ah, je suis désolée. Laura, tu m'en veux pas. Laura, t'es dans le ricochet sur NRJ, 20h, 23h. Tu viens de te faire piéger par Morgane. Ah, tout va bien, Laura. Ça va, Malora? Ouais, je te déteste. Oh non, le lait périmé, plus jamais. Ouais. Oh putain! Tu bouges pas, on va te faire un cadeau. Et puis Morgane aussi. Merci les filles d'être passées. Oh putain! Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular. Le canular du jour sur Énergie. Tu sais,

when you practice what you preach? Would you turn the other cheek? J'ai essayé d'en mettre plein pour les faire réviser. Ils sont tous chantés par-dessus. Je crois qu'ils sont au taquet. Et dans un instant, vous découvrirez le nouveau titre. Ils s'appellent Big Love. Black Eyed Peas sont là. Big, big love. Big, big love. And the new single, the new single, because Big Love is a new single. Oui. But the new single is Jessica, Jessica. Expliquez-moi. J'adore ce titre. Tu sais quoi? Tu veux qu'on le refasse et on le remixe? Remix? Oui, oui, ok. Allez, ok, on remixe. Donc, you make Jessica. Toi, tu fais whoop, d'accord? Ok, ok. Et tu, vas-y, on y va. Allez, go. Ouh. Jessica! C'est fini, on peut faire la suite ou pas? Okay. Je crois que de l'histoire d'énergie, c'est le plus gros bordel qu'on ait jamais entendu. Attends, on vient de créer un morceau en direct, quoi. Avant de faire le titre en live, je voudrais poser la question. Le visuel du nouveau single, c'est un bureau d'écolier. Yes, the visual of the new single is a school desk. Sur lequel Will.i.am a fait des trucs au stylo. Pourquoi? And there, you did stuff with a pen on it. Why? Well, it reminds us of like the innocence of the youth and what we need to do as adults to protect them. Alors ça leur rappelle l'innocence de leur jeunesse et ce qu'il faut faire en tant qu'adulte pour protéger ça justement. Oh, ah oui, moi j'ai juste cru que c'était pour niquer un bureau. You just thought it was to fuck up a desk, but no. No. We all used to do that like in school. It's just like right. Voilà, ils faisaient tout ça à l'école, ils écrivaient sur les bureaux. 17h 20h, c'est Coé sur Énergie. Grown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding. Salut, bonjour tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien, on est lundi. On se fait Jérémy Frérot et Armin Van Buren dans la playlist Energy, ça c'est pour vous tout de suite. Et avant ça, le meilleur de Mickaël, 23h, 3h chaque nuit en direct pour vous. Et la semaine dernière, c'est Mathieu qui est venu dans l'émission, il est venu nous parler des dangers des jeux vidéo. Écoutez. Mathieu est avec nous maintenant dans le 35, Fougère. Salut Mathieu. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, j'ai un énorme problème. Bon, qu'est-ce qui se passe Il m'a massacré de cerveau. Ils me disent, faut surtout pas trop jouer à la console. Mais ils m'ont dit ça à un point que j'arrive même plus à y jouer. Attends, alors, Mathieu, parce que j'ai l'impression que tu me parles comme si c'était une véritable catastrophe, que t'en es essoufflé, tout ça. Là. Bah oui, ça coûte 70 euros de jeu. Oui, non, mais d'accord, mais ça, tu jouais combien de temps Non, mais attends, Mathieu, mais tu jouais combien de temps par jour? 2 heures par jour. J'ai ça au médecin et il me massacre la tête, ça te fout à fond et tout. Non mais en fait, il t'a pas massacré la tête, il t'a dit de il pas t'a jouer juste dit parce de... que ça devait peut-être ça devenait dangereux pour toi. Ouais, ouais, addictif la preuve. Oui. Oui, t'as pas vu comment tu respires, on dirait que t'es pas sorti dehors depuis 1000 ans. Ouais, mais là t'as l'air de faire une crise de manque. Enfin, t'as l'air accro quand même. Oh, il est gros, c'est tout. Ah oh, bah. Si j'achète ça, c'est pour y jouer. Non mais d'accord Mathieu, mais c'est juste un conseil qu'il t'a donné. Il t'a quand même pas mis un flingue sur la tempe en disant si tu joues encore, je tire. Ah non. Bon, bah non. Donc voilà, si t'as envie de jouer, tu joues. Maintenant voilà, essaie de te limiter. C'est pas la peine pour en faire un drame, Mathieu. J'ai l'impression que t'es tendu là. Bah c'est la première fois que je passe à la radio. Eh, dis-moi, ah oui mais non, attends. Ça fait combien de temps que t'es pas sorti dans la rue, te promener avec des gens? Depuis hier après-midi. D'accord. Ah, bah, ça va. Mais non, mais je veux dire, est-ce que t'es en stress parce que tu passes à la radio et que voilà, t'es un peu stressé par rapport à ça, ce qui est concevable, ou est-ce que c'est juste parce que t'as pas pu jouer? Plutôt parce que c'est la première fois que je passe à la radio. D'accord. Il y a un peu d'asthme là dans ta façon de parler. Hein. Comment ça, il y a un peu d'asthme? Non, mais la façon de respirer et tout, non? Il est déjà perturbé pour un jeu vidéo. C'est ma première clope, c'est ça qui fait ça. C'est ta première clope? Ouais. Mais depuis combien de temps? Première clope de quoi? De toute ma vie, j'avais jamais fumé, j'ai commencé aujourd'hui. On vous écoute. Merci l'équipe. J'ai écouté le son de la cave. J'ai eu envie de me foutre en l'air. Ah putain. Non mais Mathieu, donc tout ça pour dire que voilà, tes jeux vidéo, joue si t'as envie d'y jouer. Enfin, je veux dire, ça fait de mal à personne tant que tu le fais pas. De quoi? Mais avec modération. Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais quand bien même, fais ce que tu veux. Si t'as envie de t'intoxiquer la tête. Ouais, enfin, si les médecins lui ont conseillé de limiter, c'est qu'il y a. Oui, non, mais non, mais Amina, nous, on le sait, nous. Nous savons oui, pourquoi. Mais lui, apparemment. On va lui dire de jouer. Si, moi, je voudrais qu'il achète 15 écrans chez toi et puis joue sur 50 plateformes en même temps. Mais non. 3 avec ta tablette. Qu'est-ce que tu as dit, Mathieu? J'ai déjà 2 écrans, 3 avec ta tablette. Tu vois, c'est bien. D'accord, ok. Achète Jean la 4e. Très bien. Moi, je pense que tu manques d'écran. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que le problème, il vient de là. À mon avis, ouais, je pense qu'il va en 5-6, ce serait pas mal. Mais y compris derrière la tête. Au cas où. Okay. Voilà, comme ça, si tu joues à un jeu de baston, tu peux toujours regarder derrière toi s'il n'y a pas un qui arrive à l'enfume. Ouais, je vais m'acheter Tekken 7. Ah, bah voilà. Et ça, alors, voilà. Ça, c'est 8 écrans. Hein. Minimum. Il en faut tout autour de toi. Comme ça, t'es plongé en 360. Ok, bah ça va. Et bah voilà. Bon, et si jamais ton médecin dit quelque chose, tu dis que c'est nous qui t'avons fait une ordonnance. Voilà. C'est docteur Amina. Salut, j'ai pour un con. Mais non, Mathieu, mais on t'explique. On rigole avec toi, Mathieu. On peut pas rigoler, on est obligé d'être sérieux et se faire chier. Oui, rigole. Alors. Ah bon, bah non, t'as pas l'impression. On dirait que t'es en train de nous agresser. Ah, vous me prenez pour un con. Pas pour un con, rigole. Pas pour un con, rigole. Et on t'a donné des vrais conseils, cela dit. Si t'as envie de jouer, tu peux jouer. C'est juste qu'il faut le faire. C'est faut pas jouer 20 heures par jour. C'est ça. Je m'alcoole avec modération. Voilà, exactement. Oui, à jouer avec quelqu'un d'autre si tu veux. T'es pas obligé de jouer qu'avec lui. Oh là là. T'as pas des problèmes d'anxiété, Mathieu? Non, moi c'est pas anxiété. Là. Ah bon? C'est quoi? Ah là là. T'as un souci? Non, mais t'as un petit problème. Bah oui, j'arrive pas à jouer à les consoles. Non, mais c'est pas ça ton problème. En dehors de ça, est-ce que t'as un métier déjà? On va commencer par la base. Ah, mon métier, c'est grandeur. Ah bah voilà, d'où vient le problème? Ah bah voilà, et si tu jouais, éventuellement, si tu trouvais du travail. Et tu sais quoi, ils ont sorti un nouveau jeu. Ça s'appelle Pôle emploi. Et le but c'est de trouver un taf avant les autres. C'est ça, voilà. Tu y arrives, tu gagnes, c'est génial, ouais. D'accord, bah j'y vais. Bon bah très bien, parfait, on fait comme ça, Mathieu. Et donc tu vois Mathieu, en fait, en analysant tout ça, nous avions raison, tu joues trop et tu ne te sociabilises pas. Et tu ne travailles pas. C'est pour ça que le mec t'a dit d'arrêter de jouer un peu, ah oui. De réduire pour que tu puisses avoir une vraie vie. Genre trouve un emploi, tu vois, une meuf, un kangou, un chien, là-bas. C'est pas mal, bien sûr.

salut tout le monde. Bonjour, bonjour. On approche tranquille des 5h du mat. En attendant ce matin pour vous, Jonas Blue dans la playlist Energy. Et vous le retrouverez en direct dès 17h cet après-midi. Et puis vous allez pouvoir aussi gagner jusqu'à 10 000 euros dans le Cash Cash Energy à 17h30 avec Koé. Ouais, voici le meilleur de son émission en attendant sur Energy. 17h-20h. C'est Koé sur Energy. J'adore ce titre. Big, big love. Les gars, vous restez combien de temps en France? Vous faites quoi ce week-end? Je veux tout savoir. How long are you guys in France for? What's happening this weekend? He wants to know everything. We are here till tomorrow morning. Jusqu'à demain matin. And then we go to Munich. Okay. We've been here for 3 days. Ça fait 3 jours qu'ils sont là et demain matin, Munich. D'accord, très bien, très bien. Okay. But we will be back in November. Mais ils reviennent en novembre. To perform voilà. For our French Peabody and our French fans. Pour les Peabody français, le 12 novembre. Le 12 novembre, les amis, ouais. Au Zénith de Paris, il y a des tournées dans toute l'Europe à partir du 27 octobre. Quel est l'endroit, franchement, vous n'êtes pas obligé de faire plaisir et dire la France, mais quel est l'endroit où quand vous avez joué à chaque fois, c'était dingue? Where is the place, and you don't have to say France, where every time you perform, it's amazing? France. Ça sort du cœur. I'm gonna go the extra mile. I'm gonna say I love France, but we just recently performed in Mexico, uh-huh. And Mexico showed us a lot of love. So alors, big shout out to ouais. BEP Mex Energy. Ils étaient à Mexico il y a pas longtemps et c'était juste assez incroyable aussi. Bonne ambiance. Ouais. Apple. Incroyable. Il dormait Apple, il n'était pas là. Of course. Non, Apple dit France aussi. I mean, we did Jessica. 3 days here, you know, in Stade de France. So ah bah oui, ils ont quand même fait 3 stades de France. J'y étais au Stade de France. He was there, he was there. Yes. Vous m'avez pas vu, vous m'avez même pas dit coucou. You didn't see him. The best memory ever, best memory. Meilleur souvenir pour moi. Moi, j'étais là, je faisais, hey, where I am, hey, guys. Yeah, he was trying to say hi to you guys, but... I seen you. Tu m'as pas vu. Yeah, it's true. Arrête tes mythos, tu vois. You're lying. Tu m'as pas vu. Attends, j'ai crié, je faisais des tours. He was shouting, but you know, no one noticed. This time, you party with us this time. Voilà, la prochaine fois, cette fois-ci, là, en novembre. Au mois de novembre, les amis, je serai là. You know what's really cool? You know, yesterday, Big Love came out. It was released. Uh-huh. We performed it the first time ever on television here in France. Mm. En fait, le single est sorti hier et ils l'ont chanté pour la première fois à la télé ici. And Gigi. Mr. Darling, we were driving in the car and Mr. Darling said, Will, we have a top 20. So Big Love has already hit voilà, déjà dans the top 20 chart. Déjà. So this, for 2 days, it's pretty good. Ouais, so pour deux jours, c'est pas mal. Donc j'espère que ça va continuer à monter. À la fin du week-end, ils sont classés de partout. Bravo les amis, c'est très bien. Bravo. Bravo. Bravo. Bon alors, le 12 novembre, c'est un quel jour dans la semaine? C'est un quoi? What's 12 novembre, the, quelqu'un November a un calendrier? What day 12 novembre. C'est un lundi? C'est Monday. Monday, t'as pas besoin de quelqu'un pour mixer avant? You don't need someone to warm up, you know, the crowd before the concert, no? Now? Yeah. No, on the 12th of November. Oh, you're going DJ? Yeah, we got DJ Babas. Yes, exactly. Yeah. Exactly. Exactly. Non, je dis ça, je dis rien si vous cherchez. No, just in case you guys are looking for voilà. Something. He's available. Moi, je finis l'émission à 20h. Voilà. The show ends at 8 o'clock. Je file au Zénith. Bah. Ça a l'air de. Non, parce que votre show, il est là. That's your show. Yes. That's your show. Mais avec moi. But with him, way on top. Let's go. Okay, yeah, let's go. Bon, bah, vas-y, c'est bon. Let's go. Ouais, be cool. Sure. For real. Super, yeah. Yes. Sure. Yeah. Okay? Yes. Yeah. Yes. Alors, les gars, attention. Oui. Attention. Ce qui est dit là. Oui, oui. Et dit là. Yeah, because he's not kidding. I'm not kidding either. Bah, il rigole serious. Pas non plus. Hein. No, we're not kidding. Oh, no. Okay. Demande-lui combien c'est payé. Ouais, c'est. Yeah, what's the salary? The salary? Yes. C'est avec lui, je crois que c'est avec lui que je dois voir ça. Je crois que c'est lui qui reçoit. How much does he get paid normally? Tu te fais payer combien normalement? Le fisc écoute. Non mais on ne parlons pas d'argent. Let's not talk about money. Sérieux? Si, non mais je, hey, vous savez quoi? On en dit en rigolant, mais je le dis à peine. Si on lance le pari ici ce soir, okay. Si jamais ils n'ont pas de pré-show, ouais. Je mixe avant leur concert. Okay, le... he's saying it officially tonight. If you don't guys have a pre-show, he'll do it for free on November 12th. We got a pre-show. We don't have a pre-show. Il n'y a pas de pre-show. Are you sure? You have now. We don't have a pre-show. You so have now. Yes, perfect. C'est réglé. Je mixe le 12 novembre. He's mixing November 12th. Yes. Yes, pre-show. Pourquoi tu m'as dit un yes que j'ai l'impression que t'as pas envie? No, seriously. Yes. Like you're saying yes, but no. You don't want him to no, at all. We're on the radio. Oui, voilà, yeah. On est à la radio, là, en fait. C'est officiel, quoi. Oui, c'est officiel, bien sûr. We're not in the elevator. Ouais, on n'est pas dans un ascenseur, en fait. In the bathroom. Ou dans les salles de bain. First radio. Wait, but he just can't play Black Eyed Peas songs before we come on. Ça peut pas être que des chansons des Black Eyed Peas. C'est faisable, ça. Non, que des chansons de Black Eyed Peas. Non, pas que. Ah non. Ben non, Mais non, je mixe pas que les chansons de Black Eyed Peas. Non, tout. Everything. Patrick Sébastien. Ok. Let's go. Ah, c'est bon. Promise. Ok. Pinky swear. There it is. Swear. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom, que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases.

Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, une belle journée, on est lundi, j'espère que ça va bien se passer pour vous, que ce soit au taf, que ce soit en cours. On démarre avec Zayn et Taylor Swift dans la playlist Énergie, le nouveau soprano, et avant de le retrouver en direct dès 6h tout à l'heure, c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Vendredi matin, on vous posait une question, êtes-vous jaloux? Écoutez. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'ai une question. Ouais. Est-ce que vous êtes jaloux, honnêtement? En couple, est-ce que vous êtes jaloux? Non, Glandu, non. Isabelle? Ouais, moi je suis jalouse, vraiment. Ouais, j'ai du mal. J'ai trouvé une liste de témoignages de gens qui racontent leur pire moment de jalousie. D'accord. Écoutez bien. Je me suis rapproché de mon mari et je l'ai mordu sur la joue alors qu'il parlait à une autre fille. Sauvage. Oh non. Ah oui, sauvage, oui. Ouais, là tu marques ton territoire, quoi. C'est bestial. Bah, tu le marques, tu le fracasses. Parce que tu lui bouffes la joue quand même. Hein. Un autre. J'ai cassé toutes ses vitres de voiture parce que je pensais qu'il me trompait. En fait, non. Oh, ah, non. Ah, dommage. Oh, voilà. Vérifiez avant. Ouais, c'est ce qu'il allait dire. Voilà. Bien. Et un dernier, j'ai payé un cuisinier dans un restaurant du centre-ville pour pouvoir observer discrètement depuis sa cuisine mon copain mangeant l'al midi avec sa collègue. Il ne s'est rien passé. Oh, non, le détective. Ah non, mais là, non, mais c'est au-delà du détective, là, c'est limite psychopathe quand même. Oh. Et puis elle se ruine dans sa jalousie, quoi, c'est ça qui est chiant. Mais quand, je crois que pour la jalousie, on ne fait plus gaffe à rien. Ouais. Ouais. Le cuisinier, lui, était content en revanche. Ah bah oui, lui. C'est parce qu'en plus, c'était un très mauvais cuisinier. Donc il n'avait pas d'argent avec son resto, donc il avait de l'argent comme ça, en fait. Question très simple, quel a été votre pire moment de jalousie si vous êtes jaloux? Jusqu'où êtes-vous allé par jalousie? 0-870-42-48. Vous pouvez nous appeler. Ou alors, si vous n'êtes pas jaloux, comme Glandu par exemple, ouais. Est-ce que quelqu'un a fait un truc de dingue par jalousie pour vous? Isabelle, toi, t'es jalouse? Ah, moi, je suis hyper jalouse. Ça me fait trop de peine dès qu'une fille regarde mon mec avec envie, quoi, tu vois. Et une fois, on était en train de faire du shopping et il y a la vendeuse qui était vraiment hyper, hyper belle n'arrêtait pas de lui faire des compliments, mais du style ah ouais, non, mais vraiment, elle vous va trop bien cette veste, vous êtes grand avec votre carrure, vos cheveux. Et mon mec était tout fou d'avoir ces compliments-là, tu vois. Et donc, c'est normal. Ouais, non, mais non, c'est pas normal. Il devrait être imperméable au truc, tu vois. Et là, il était hyper heureux parce qu'elle lui faisait plein de compliments. Ça m'a flingué. Je lui ai dit, si t'achètes cette veste, on va au clash. Oh merde. Ouais. Il l'a pas acheté, hein. Ah, mais tu m'étonnes. Ce qui explique, c'est fringues de merde. Hein. Caroline est avec nous au téléphone. Bonjour, Caroline. Salut, Manu. Salut, les Wawain. Salut. Bienvenue sur Énergie, Caroline. Tu es une grosse jalouse? Oui, très grande jalouse. Alors, raconte-nous. Par exemple, moi, la première fois que mon mari est parti en déplacement, j'ai préparé sa valise, j'ai mis du parfum à moi sur tous ses vêtements, juste au cas où des filles s'approchaient trop près de lui quand je ne serais pas là. Ah, et elles se disent, ah, ça sent la fille. Ah, ouais. C'est à moi. Pas touché. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ton mari est revenu du séminaire avec 3 autres valises. Remplies d'autres amis. Il a dit, tu ne vineras jamais. C'est Air France, ils ont perdu la valise. Oh non. Merci de t'avoir appelé, Caroline. On t'embrasse fort. Damien, bonjour. Salut, Manu. Bienvenue sur LRG, Damien. Tu es jaloux? Tu connais une histoire de jalousie? Je suis jaloux. D'accord. Eh ben alors, on t'écoute. Eh ben écoute, c'était lors d'une soirée, j'ai ma femme qui dansait avec un de ses amis d'enfance qui était un peu trop entreprenant. Du coup, j'ai pété un câble et comme c'était moi le DJ de la soirée, ben j'ai pris mon matos et il n'y a plus de musique. Oh. Ah oui. Ah, oh. Ah c'est direct ça quand même. Non, mais caprice d'enfant quoi. J'arrête de jouer. Voilà. C'est tout. Ah ouais. Stop. Et donc il y a plus de musique et les gens de la soirée fini, terminé. Terminé, fini. J'ai tout remballé puis je suis parti. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. J'imagine que t'es pas resté avec elle trop longtemps après quoi. Et si, je suis toujours avec. Ah, ah oui. Alors, j'imagine que ton métier, c'est plus DJ. Merci de nous avoir appelé, Damien. Belle journée à toi. Glandu, une histoire de jalousie? Moi, je suis pas jaloux du tout, mais j'ai un pote, sa copine est ultra, ultra jalouse, à tel point qu'il est obligé en soirée de l'appeler 2 ou 3 fois en appel vidéo pour lui montrer il est, ce qu'il fait, qu'il est bien avec nous, qu'il n'est pas avec une meuf. Ah là-bas. Mais est-ce qu'elle fait ça parce qu'il a eu une histoire ou bien... Non, en plus, non, il a jamais eu d'histoire. Mmh. Oh là là là. Non, juste pourquoi? Tu connais quelqu'un? Ouais, je connais quelqu'un. Ouais. Enfin, je connaissais quelqu'un qui était avec une nana, qui avait eu une petite histoire qui lui avait avoué, mais il voulait rester avec elle et lui a dit, ok, mais à partir de maintenant, dès que tu sors sans moi,

energy when you bring it on rock. In girl, you're preparing your ever low hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see when me want for your talk. My eye dey on she, precise and exact. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like some the best when I'm spreading it to a bar. You know how to swing. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. And go and tell you are running sing thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that I never yet flop. Are you ready for your night of bluffing? With the stamina king, me hear your body calling. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, c'est lundi, on se fait un petit point météo. Énergie, météo. Avec quelques averses sur les côtes de la Méditerranée, un petit peu voilé dans le sud-ouest et sinon ça va, du soleil pour quasi tout le monde. 14 à 20 degrés pour les températures ce matin. Cet après, ouais, attention, ça va être cool, soleil pour tous. 24 degrés les températures à Brest et Caen, il y aura 26 à Lille, Strasbourg et Nice. 28 à Rennes, Paris, Strasbourg et Marseille. Vous aurez 30 à Bordeaux, Lyon, Montpellier et 32 à Bastia. Un bon réveil avec nous sur Énergie. C'est le retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Un petit peu avant 6h, vous avez envie de l'appeler, lui parler en direct, ok. 0800 70 42 48. Et là c'est Labrantia et Diplo dans la playlist Énergie. Right.

phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. I need somebody now. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Bienvenue sur Énergie, il est 5h55, nous sommes lundi, c'est le 17 septembre, lundi les amis. Hey, c'est le week-end. Bienvenue sur Énergie, on démarre dans 5 minutes, c'est Manu dans le 6-9, tous les ouin-ouin du matin sont là. Il y a Paulette qui ne finira peut-être pas l'émission, autant vous prévenir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, t'es en train de décéder Paulette? Bah, je suis un peu malade mais franchement... Blablabla, pas du tout. Je sais, c'est dégueulasse cette voix. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, t'es enrhumée? Ah bah oui, je suis un peu enrhumée. J'ai pris froid. J'ai pris froid ce week-end, voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait pour prendre froid? Bah j'ai fait la fête. Bah, si je te dis. Non, ça aurait pu être, j'ai fait du sport, j'ai fait un truc. Ça va pas. Très très bien. Tes amis sont là avec toi, écoute. Le canard ce matin. Ouais. On démarre dans 5 minutes avant ça, les amis. Comme chaque jour, 5h55, c'est le club du 555. Un moment où on est entre nous. Mmh. Entre nous, entre humains et entre canards. On est bien, on est détendu et on s'écoute un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter pendant l'émission. Voire même qu'on n'écoute jamais pendant l'émission, mais c'est notre moment à nous. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. 45 ans déjà. Elle a une voix tellement ouf. Pas aussi ouf que celle de Paulette aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'Anastasia. Oh. J'adore cette chanteuse. Ah ouais. Et ça, c'est peut-être ma chanson préférée d'Anastasia, ça s'appelle Cowboys and Kisses. Ah. Des cowboys et des bisous. Ça résume tellement bien la vie. Ouais. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je sais que je vais vous faire chier. Non. Anastasia, sa voix, j'ai l'impression qu'elle me punit quand elle chante. Ah ouais. J'aime bien. Jeans and a box of magazines is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Come back to me. Shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you.